C'est pour cela que je dis, cette élection est très importante. Parce qu'il y a un mouvement transgénérationnel. Celle de 2018. Début 2018, oui. Voilà. C'est la première fois que celui qui a porté le flambeau du changement n'est pas candidat parce qu'il estime que j'ai fait ma part. Comme Moïse a fait sa part. Vous savez, Moïse n'a pas vu la terre promise. Mmh. C'est Josué qui a continué le combat. Mmh. Et Yoshua, c'est comme Josué. En tout cas, en résumé, il y aura changement de régime. Il y aura changement. Donc, l'enjeu du Cameroun et tout ce qui va se passer maintenant, l'avenir du Cameroun, puis-je dire ainsi, l'avenir du Cameroun, ce jour, ce mois et cet autre mois qui arrive devant nous, ça c'est sur le plan spirituel, les décisions finales, ce jour, ces deux mois-ci. Souvenez-vous que le Seigneur ne peut pas faire quoi que ce soit dans un pays, des choses ne peuvent pas arriver sans qu'il n'avertisse. Écoutez très attentivement. C'est stable, mais les gens se regardent les uns les autres. Vous comprenez ce que je viens de dire? Vous savez, si vous comprenez ce que je veux dire, je vais prendre deux ou trois exemples pour vous saisir. Lorsque deux coqs bagarrent, vous voyez, elles commencent à gonfler. Elles restent là, chacun s'observe, ou bien même les chiens. Quand ils bagarrent, chacun s'observe. Un petit caillou au milieu d'eux. Et la bagarre déclenche. C'est ce que j'allais dire. Ou bien, un truc de sang qui est versé, à tout moment, ça va s'exploser. Si quelqu'un passe avec la cigarette, ça va s'exploser. Si quelqu'un jette une flamme de feu, ça va s'exploser. C'est comme ça qu'il peut expliquer la situation. Donc, le climat qui est, c'est cela. Le climat qui est, je ne dis pas maintenant, je dis ce que j'en ai regardé, ce que j'ai vu. Je suis obligé de raconter comme je ne peux pas dire autrement. Donc ce qui est là, c'est que nous allons prier. Pourquoi Dieu montre ceci? Parce que il y a des choses, des gens autour de votre président. Et si vous buvez, si vous enregistrez, faites-en bon usage. D'accord? Dieu va faire son intervention sur la terre parce que, souvenez-vous, voici le roi Nebuchadnezzar. Malgré qu'il soit païen, malgré qu'il fait les choses, quand Dieu veut intervenir, il intervient parce qu'à l'éternel la terre, tout esprit enfin. Quand il veut intervenir, il intervient. Les débats de société s'invitent sur Miango FM. Les marchés brûlent, le transport coûte cher et bien d'autres questions qui polluent votre quotidien. Déposez ça ici. C'est la seule adresse de dépôt légal des questions de société sur votre radio. Tous les jours du lundi au vendredi. Une fois ici, vous avez parlé de, sur une plaque. On a écrit quelque chose, j'ai vu un nom, n'est-ce pas? Il dit la suite, il ne dit pas. Ça c'est un. Une autre fois, il y a plusieurs fois, je l'ai dit ici. Après le Conseil constitutionnel. Et quoi? Vous vous souvenez? Après le Conseil constitutionnel. Et quoi? Une de ces fois, il dit, lorsque le lion a mangé, il peut se reposer. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Je n'en sais pas. Donc, des choses vont arriver dans le pays ici. Je parle pour le Cameroun d'abord avant de toucher Israël. Et puis on va lire ce qui est ici là. La période où ces choses se passent, c'est la période de la saison pluvieuse. Parce que j'ai vu la boue. Il t'a demandé à Dieu que quelle période. Il m'a montré la boue, il m'a montré les policiers dans la rue. C'est pour ça qu'à l'issue de ça, on va prier pour le Cameroun pour que ces choses-ci arrivent telles que ça se trouve là. Vous souvenez ce qu'il dit par rapport aux États-Unis, par rapport aux frères qui sont aux États-Unis. Donc que le Seigneur soumet le cœur de tous les Camerounais sans exception à sa volonté. Et soumettre les consciences et les cœurs, les fermer au cri des révoltes, c'est-à-dire au soulèvement. Après ce brillant exposé que vous venez de nous faire, d'accueillir nos autres invités, je vais accueillir d'abord frère Junior Tchabda. Bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour René, bonjour à tous les auditeurs de Miango FM, bonjour aux copanélistes, bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent sur le plan national et international, cette merveilleuse radio. Alors, vous allez vous présenter pour la gouverne de nos auditeurs, je vous laisse le soin de le faire vous. N'importe quoi, merci à notre président d'avoir pris cette décision. Gardez pas l'esprit d'être troublé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je vous fais renvoyer dans l'enseignement, dans la prophétie, attention, explosion et inondation au Cameroun. Des choses y ont été dites. Et après le Conseil constitutionnel. Mais quoi? Mais c'est pas 4 ans. Attendez un temps, des temps et la moitié d'un temps exactement. Et ce sera terminé. Dieu peut bouleverser toute une nation, tout un continent lorsqu'il cherche un cœur, un seul cœur à lui. Un seul. Et avant l'inauguration des ponts sur le Voreux, j'avais parlé ici que

les Africains qui sont là-bas auront des problèmes. Des problèmes. Des problèmes sérieux. Sérieux. Donc il y aura une réunion épiscopale appelée par les grands satanistes prêtres. Vous appelez les prêtres, les évêques, les archevêques de ce pays. Ils vont se réunir. Ils vont sortir. Écoutez bien ces mots-ci. Communiqué final de la réunion. Et je vous avais dit encore dans une autre vision que j'ai vu des gens qui sont sortis avec des plaques non. Non. Et puis j'ai dit la suite n'y dit pas, n'est-ce pas? Il y aura des contestations. Donc de ce côté-ci, on te dit que non, vas-y, vas-y, nous sommes derrière toi. L'autre côté, on dit qu'on ne veut plus te voir. On ne veut plus te voir. C'est cette plaque-là, non. Là. Donc il t'a mis de parler. Donc voilà ce qui est devant nous maintenant. Voilà ce qui est devant nous. En réalité, il peut bien gagner les élections. J'en ai dit quelque chose là maintenant. Il peut bien gagner des élections, mais le Seigneur ne lui permet pas d'accéder au trône pour longtemps. Alors, j'avais dit, et je le répète maintenant, j'ai vu dans l'avenue du Cameroun, deux présidents se présenter. Je recommence. Pas deux présidents, en fait, parce que deux personnes se présentent, ils se contestent. Non. La chose que je suis en train de regarder devant, c'est que le gouvernement du Cameroun, que je suis en train de voir dans le futur, je ne sais pas quand ça va se manifester, il y a un président et un vice-président. Donc, il y a deux présidents au Cameroun. Et c'est ce fonctionnement, je ne sais pas comment ça va aller. Mais, il y a deux présidents. Je vois deux présidents au Cameroun dans le futur. Vous pouvez ne pas voir, mais je me suis tenu là, j'ai vu une personne monter sur le podium, une autre personne venue après, dit, mais c'est quoi cette histoire? On dit que c'est, voilà les deux. Alors, comme le frère l'a vu, c'est exactement ce qui est arrivé. Vous êtes habitué à une maison, à une maison. Vous êtes habitué à une maison. Vous êtes né dans une maison. Vous avez grandi, vous avez toujours connu cette maison-là. Il faut admettre à un moment donné qu'on casse cette maison pour construire une autre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce que l'aigle regarde la direction du lion. Ah, et là, sur ce site-là, Internet, à plusieurs reprises, nous avons le message pour le Cameroun, y compris l'issue des Que vous disent les prophéties de cette année 2018? Je crois que ce serait bien pour que les gens aient visité, mais il va glisser quelque peu là-dedans. Glissez-nous quelque chose. Vous avez posé la question concernant le candidat, le gros poisson, et moi, avec ce gros poisson à manger. Alors, je crois que le gouverneur et tous les autres membres du gouvernement nous écoutent là-bas. Sur ce site-là, c'est dit clairement le message pour le Cameroun avant que ces événements, parce que depuis 2009, j'en parle par rapport aux événements. J'avais dit dans l'un des enseignements que ce que nous appelons un nulot de paix peut être un signe avant-coureur d'un tsunami qui va parcourir le pays. En expliquant les différentes portes des choses que nous allons avoir dans le pays. Ça fait les tels enseignes que le pouvoir, ça va entraîner le pouvoir à avoir des insomnies. Donc, le gouvernement de la France doit se retourner, doit ouvrir les yeux pour regarder le problème qui s'y trouve. On s'attendrait justement à ce qu'il sa révérence. Mais il ne l'a pas fait. Peut-être pour des objectifs autres que ceux de son entourage. C'est un système de protectionnisme des intérêts. Mais de l'autre côté, maintenant, en tant que casquette de prédicateur... Vous avez la dent dure. Oui. De l'autre côté, avec ma casquette de président de la République, je rappelle que pour ceux qui me connaissent déjà, il y a une chaîne des enseignements sur YouTube appelée Bamba Iba. Bamba Iba, B-A-M-B-A, espace Iba. Voilà, donc j'en ai terminé. Il faut une réunion de réconciliation le plus vite et très vite. Sinon, si l'autre réunion qui est en train de se préparer à l'extérieur, de façon sous-jacente, c'est-à-dire que ça se passe hors vue de la presse, les gens ne savent pas de quoi il est question. Si ça appelle, vous entendez que le Conseil de sécurité se réunit de façon spéciale pour le Cameroun. Préparez-vous. Ça ne sera pas bon pour nous. Et ça pourra être vraiment difficile maintenant pour nous si ça en mêle. Donc pour qu'il ne s'en mêle pas, il est question que les gens de ce pays se résolvent ce problème aussi rapidement. Rapidement. Rapidement. Au milieu même du rire. Vous savez, quelqu'un de rire par rapport à une situation, quand il a de rire, il a de rire subitement, la personne est affligée. Cameroun. Subitement. Subitement. Et la tempête fond. Subitement. Subitement. Subitement. Et la tempête fond. Et quand ça commence, spot après spot. Spot après spot. Ce groupe qui descend dans le rue, il converge où? Qu'est-ce qu'il réclame? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Souvenez-vous, je vous avais dit, il y a une autre élection présidentielle qui est devant Cameroun. Cameroun. Oui, quand tout semble stable là maintenant, n'est-ce pas? Quand ça va se pointer à l'horizon, vous ne me verrez plus. Et là maintenant, vous pouvez prendre n'importe quoi maintenant et écouter. Que Dieu nous aide seulement à ce moment-là. Où est-ce là, n'est-ce pas? Voici la canne, le chantier de la canne. Et remarquez bien tout ce qui se passe tout autour de la canne. Et qui risque, le Cameroun risque de perdre ses chantiers. Alors, je suis en train de faire, vous voyez que je ne suis pas en train de parler en parabole. Je suis en train de parler vraiment doucement, posément et clairement afin que vous sachiez. Ça, c'est clairement pour le chef de l'État du Cameroun. Afin que la solution soit trouvée si rapidement. Ça, c'est la pensée de l'esprit là-dedans. Donc, des réunions secrètes se tiennent pour le cas du Cameroun. Pour résoudre le cas du.

Et on a donné donc les infos à beaucoup de personnes de chercher quel est égaré, quel est perdu. Que celui qui doit lui voir, il aura. C'est-à-dire que d'après le songe, tu as vu qu'il y avait le trouble. Et puis, on cherchait particulièrement Brenda Bia. Et on a dit qu'il y a un rançon, une rançon à la personne qui pourra donner l'information la concernant. Et ça s'est passé comment, finalement? Cette trouble, c'était pas. Qu'est-ce qui causait les troubles dans ton songe? Oui. Le désordre que vous parlez que ça doit venir. Ah! Donc tu dis que c'est moi qui parlais que le désordre va venir. Il dit que, vous voyez, il renvoie ça sur moi. Lui-même, il a vu le désordre. Il a vu le désordre. Il dit que c'est moi qui parle que le désordre va venir. Comme ça, le jour qu'on arrête, il dit que c'est le frère Junior qui dit ça chaque fois. C'est le seul. Comment? Mais pourquoi tu dis que le désordre que je dis que ça va venir? Tu dis que c'est le désordre, tu as aussi vu le même désordre. Et si on copte les gens, on leur donne un style d'instrument, vous appelez des téléphones sophistiqués. Au milieu des gens qui se parlent de l'État, se trouvent des gens qui sont des infiltrés, des groupuscules qui dérangent. Donc, vous faites des complots, vous faites des choses, des assises comme ça, là, les informations sont partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on prie. La seule prière qui puisse marcher ici, on ne peut pas arrêter ce qui vient d'arriver. On ne peut pas changer cela. C'est le cri du peuple. Parce que le vrai problème, c'est que quand le peuple se soulève et va dans la rue pour qu'il soit retenu, c'est autre chose. Parce que lorsqu'il crie et qu'il sort, quand cette cohorte-là, en haut, descend sur eux, ils sont sans frein. Parmi eux, il y a les bandits qui profitent pour s'en sortir. Parmi eux, il y a des gens qui ont des rancunes qui profitent pour brûler. Entre eux, les militaires maintenant entrent en scène pour commencer à violer les gens, ainsi de suite, parce qu'ils ont les armes. Ils profitent dans les organisations. Donc, cette chose-là, si ça se passe, et que l'esprit a descendu sur les gens, personne ne peut le maîtriser. Donc tout le monde sera en danger, tout le monde. Donc la seule prière qui marche ici, que le Seigneur ferme le cœur au cri là. Il y a le changement de gouvernement qui doit se passer sur le plan céleste. Donc les tractations se discutent en haut là-bas, ce n'est pas terminé. Si c'est terminé, moi j'arrête la prière et puis je reste à voir ce qui va venir. Parce qu'il faut que l'enfant soit délivré. Le Cameroun elle a une femme qui souffre des douleurs de l'enfantement. L'enfant peut rester dans le ventre. Si l'enfant laisse l'enfant, on va dire que l'enfant, la maman et l'enfant peuvent mourir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc il faut que l'enfant sorte. This woman has to deliver. Elle peut pleurer sur le lit. Ah, c'est toi qui as fait ça. Ah, c'est toi qui as fait. Mais il faut que l'enfant. Quand l'enfant sorte, tout le monde est dans la joie. Donc il faut un bon antichrist. La transition doit être délicate. La transition doit être délicate. Donc c'est les douleurs de l'enfantement. La transition, les douleurs de l'enfantement ici au Cameroun. Priez pour votre pays. Vous savez, je vous ai dit plusieurs fois que la cible, ce sont les gens, le cœur des gens. En haut, ça se discute en haut. Tout ce que vous voyez sur le plan là, Dieu va balayer. Et même, le système camerounais va changer. L'heure va arriver sur le Cameroun où l'institution va changer. Mais les gens vont craindre Dieu dans cette nation. Les gens vont craindre Dieu. Donc l'institution, il parle de l'institution, dit la forme va changer. On ne peut pas diviser le Cameroun. On ne peut pas. Mais l'institution sera influencée. On ne peut pas. Souvenez-vous, je n'ai pas dit on ne doit pas. J'ai dit on ne peut pas. Il y a un monsieur qui c'est le monsieur vous devez connaître. Ceci, il le dit, c'est mieux de citer son nom, c'est Gilbert Baonla. Vous connaissez, n'est-ce pas? Celui qu'il est convenu d'appeler le premier fils du président, ou mieux, le fils aîné du président de la République. J'ai vu des tentatives d'assassinat à son endroit. Chez lui, vous savez, n'est-ce pas? Vous allez le noter. Des tentatives d'assassinat à son endroit. Et ce sont les gens qui le connaissent. Mais le repas est encore là, mais le lion est encore ici. Et puis, j'ai regardé là-bas, j'ai dit, normalement, si les animaux réfléchissent, vous pensez par exemple que s'il y a un lion qui vient attaquer par exemple l'éléphant, les éléphants ne bougent pas, le lion va le faire quoi? S'ils sont un troupe comme ça, là, un éléphant, un lion vient, si chacun commence à faire seulement le pied comme ça, le lion va venir. Mais comme ils n'ont pas la réflexion de pouvoir faire le pied comme ça, c'est pour ça qu'ils sont les animaux. Ouais, ça frère? Parce qu'au moins, toi, si quelqu'un vient pour vous défendre, même avec le caillou, même avec les babouches, tu vas essayer de te défendre. T'as vrai? Mais ils ne font pas cela parce que, oh, pourtant, l'éléphant a les capacités que s'il tombe seulement sur le lion, c'est que ça part et finit son reste. C'est que tout son village finit là, pas vrai? Donc, j'ai regardé que ces types d'animaux, il y avait pêché là, vous savez,

si je parle en faisant des moments, il parle de ces choses, quand il parle, tout ce qu'il s'en est dit est lié. Maintenant, ces animaux, si j'étais en train de dire, j'ai regardé, parce que c'est une vision que j'ai eue depuis, j'ai pas eu ça maintenant. Je vous ai déjà raconté cette vision de lion aussi qui est en train de manger, que quand l'un doit manger, maintenant les autres, vous voyez, n'est-ce pas? Quand cette vision s'est revenue, et puis je viens de observer les différents acteurs, les acteurs de ces animaux aussi, il dit, mais pourquoi ceux-ci ne peuvent pas, les animaux, ils attaquer ensemble. Mais il y a une autre chose qui est terrible, c'est que les animaux étaient bloqués d'un côté et l'autre bloque. C'est ça le vrai problème. Vous voyez que j'ai décrit que le singe était sur cette table, c'est voilà l'aigle à côté de l'arbre. Aussi pêché dans l'arbre, mais sur la terre se trouve encore un autre hyène ici. Je ne vais pas vous donner seulement les positions des animaux. Donc, les animaux étaient bloc par bloc. Vous comprenez cela? Deux par ci, trois par là. Mais après, quand le lion a mangé, c'était là. Mais il marchait tranquillement, posément, sans gêne des personnes. Vous voyez cela? Avec le pas majestueux. Quand la force de respiration va devenir la force de péremption. Et souvenez-vous de ce qui a été dit ici sur la partie des flammes, que ça va disparaître. Il n'y a pas de même chose. C'est-à-dire que ces persécutions, vous avez vu dans le temps où on a fait des choses contre les peuples noirs et autres là-bas, parce que c'est son moment maintenant. Il faut qu'il soit restauré. À un moment donné, il y avait parlé que 2015, les gens vont commencer à rentrer au pays, ils disent pour rentrer au pays, ils croient que c'est eux qui font, n'est-ce pas? Les semences sont semées. Tu vas les faire revenir. Ils vont venir en nombre. D'autres vont venir en nombre pour venir dans leur terre patrie. Et même, lorsque vous allez entendre dans le pays où le Saint-Esprit souffle, d'autres vont couper le billet avant rapidement pour après venir ici. Après ce brillant exposé, pour avoir pas à donner le niveau de esprit. D'accueillir nos autres invités, je vais accueillir d'abord frère Junior Tchabda. Bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour René, bonjour à tous les auditeurs de Miango FM, bonjour aux copanélistes, bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent sur le plan national et international, cette merveilleuse radio. Alors, vous allez vous présenter pour la gouverne de nos auditeurs, je vous laisse le soin de le faire vous. Je ne sais pas quel jour, l'année passée ou bien l'année passée, j'avais parlé ici que je me suis tenu quelque part dans une industrie, on faisait des choses comme les femmes, qui remplacent des femmes, qui étaient ici en assemblée. Donc, parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez écouté ça quand j'avais dit ça ici. C'est dans quel enseignement nous traitions de quoi ces jours-là, cette année-là. Et si, donc, si vous trouvez cet enseignement-là, faites-moi savoir. Je suis venu ici. Si vous savez, je n'aime pas parler. C'est l'une des visions que je n'aime pas parce que ce qui est vu là-bas, c'est l'une des choses terribles. Ça, s'il y a bassesse, c'est ici. Et vous avez dit ça, c'est que je suis tenu là-bas, je ne voulais même pas parler, même maintenant en parlant, c'est la même chose, mais c'est que quand je me suis tenu là-bas, j'ai vu faire qu'ils ont fait ces choses, j'ai dit ceci. Et maintenant, regardez très attentivement. J'ai dit, ce que j'ai regardé dans cette vision, c'est que ça, les footballeurs prisaient ces choses-ci. Et quand j'étais en regarder, mais pourquoi les footballeurs y vont, j'ai remarqué que la majorité des footballeurs n'étaient pas mariés. Je ne sais pas comment ils peuvent faire pour avoir cette mot-ci en français. Genuinely, j'aimerais trouver l'équivalent à ça en français. Vous savez, il y a des mariages authentiques de Dieu. Il y a des mariages par arrangement, on arrange tout simplement comme ça. La grande majorité des footballeurs sur la terre ne sont pas mariés selon Dieu. C'est terrible de le dire. Et par conséquent, ça va amener des couacs dans leur mariage. Et quand ça amène des couacs dans leur mariage, ça entraîne automatiquement leur fortune. Et donc, quand ça va attaquer leur fortune, les gens commencent à comprendre que maintenant, au lieu d'aller vers les femmes, mieux on va vers les poupées. On en allait dans une décadence terrible, frère. Mais le problème, c'est que quand j'ai vu dans cette vision, je crois que nous ne parlons même pas de cela. Vous avez vu ça sur la scène, n'est-ce pas? Maintenant, voici quelque chose qui est créé sur la terre. Écoutez très attentivement. Je vais dire quelque chose et puis je vais dire encore quelque chose qui est en train d'arriver. Écoutez maintenant bien. Je me place devant vous ici pour dire ces choses-ci. C'est devant nous encore que je suis en train de regarder. Maintenant, avant cela, j'avais dit quelque chose qui est crié. Là, vous, ici, c'est ma prophétie. Vous savez cela, et peut-être certains d'entre vous voyez cela. Il y a un certain style de. Gardez-vous à l'esprit, ceci. Gardez-vous à l'esprit, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Verset 16 et 17. Gardez cela, pendant que je vais parler ceci, d'accord? Maintenant, il y a un style de. Je ne sais pas comment vous appelez cela. On met ça sur la tête, là, comme ça, et on épouse un écho de la musique. Vous savez? On met cela comme ça. Ça couvre l'oreille. Il y a toute votre attention, s'il vous plaît. Je n'ai rien contre ces choses, mais je suis obligé de dire ce qu'il y a là-dedans. Et le but pour lequel ça a été créé. Et puis, je dois dire ceci avant de dire autre chose qu'il y a là-dedans. D'accord? Gardez 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et 17 à l'esprit, pendant que je ne voulais pas parler. Maintenant, regardez. Vous voyez un homme. Seigneur, aide. Parce que s'ils sortent dans la rue, à cause de ces gens là-bas, ils seront dépassés, ils vont tirer sur les gens. Donc,